chanter Noël. Nos cœurs légers montent dans le ciel. Les enfants tournent vers la lumière. Leurs yeux émerveillés, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. Chantons.